père, trop de bêtises. J'en ai marre du rap et toutes ces sottises. Ça parle de kiff bif, OP comme Kill Bill. Devant le mic, beaucoup trop d'autistes. Ok t'es vif, mais est-ce que c'est ta vie? Pense à ta mie, pas au clochard qui t'envie. L'ami ce n'est qu'un avis, rien de mieux qu'une madre ravie. Leur lame c'est maladif, la hess m'a fait perdre les chiffres. En gros la dip hami c'est que je m'en bats de la materazzi. J'écoute ce que le padre m'a dit. J'avance en esquivant les fleugis, les peines à fleurir. Je veux des fous rires, pas des pleurs face à une pierre à fleurir. J'écris ma vie avec le sourire, parfois je dérive, souvent je délire. Pour ne pas penser au pire avant que mon tour arrive. La crise c'est le tarif, de quoi devenir taré. Si tu as la foi appris, car il ne faut jamais que tu t'arrêtes. Si tu m'as compris, tu sauras pourquoi je ne parle pas de gâchette. Igo, je ne vendrai pas mon âme pour un cachet. On a dark desert highway, cool wind in my hair. Warm smell of the lead dust, rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. 13 ans qu'on rime avec le cœur sans faire casquer la SACEM. Je n'ai pas percé, y'en a qui disent qu'on a raté la charrette. Porter la casquette, j'arrête. CD ou cassette, j'achète. Le fond, la forme, oui j'adhère. Ton vocodeur, non charter. Team multisyllabé contre la team, rime plate. Si c'est ma rime, les faux MC verront que mon bic mitraille. Je dors sur mes deux oreilles, je sais que j'en vendrai pas des mille. J'ai trois vues sur YouTube, j'en ai rien à foutre que l'espoir me brise. On scie les portes, des connards qui nous chient dans les bottes. Avec les potes, on était prolifiques comme Cypressil à l'époque. Balance les billets verts et si ça grésille, j'esquive la vie d'artiste car je veux pas crever dans une chambre d'hôtel. Laisse le vinyle tourner, j'ai un 16 à finir mon pote. Je vise un succès d'estime avant que la pauvreté m'emporte. Je suis loin de la rue, c'est deal de shit et des fitories. Toujours le fond, la forme, que ce soit en solo ou en featuring. On a dark desert highway, cool wind in my hair. Warm smell of colitas, rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. On a dark desert highway, cool wind in my hair. Warm smell of colitas, rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night.